la veille d'un nouvel engagement. Après de longs mois de douleur niée, de lutte ardue et de prière cosmique, je suis venu renoncer à mon bonheur et ma richesse. J'avais fini par accepter une terre sans amour, t'absolvant de ton indifférence et te laissant dans des promenades sombres et des lunes amères. N'ai-je pas porté ta croix de Chester à New Hampshire? Le monde ensuite nous appela à Paris. La veille de ton anniversaire et de celui de Christina, une splendeur brillait à l'horizon pour apaiser nos tempêtes de douleur. Fin des tristes promenades et des lunes amères. N'ai-je pas porté ta croix de Chester à New Hampshire? Nous ferons de l'anglais la langue de l'amour. As-tu juré, nous nous suffirons sans patrie, toi et moi, forgés dans le charbon des mots latins. Nous fîmes de l'anglais notre dévotion. Dans ta seconde langue, je fus ton second. Dans ton affection fugace, sans enfant, sans adieu. Sans enfant, sans adieu.